Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, Benjamin Adrien, comme votre spectacle s'appelle « Issue de secours » et qui parle de deux pilotes qui se retrouvent seuls au milieu du Sahara, c'est bien ça ? Mec, tu spoil. Ouais. De ouf. Le gars n'a rien compris. Alors, la fin, tu meurs. Pourquoi ? Je vais vous faire une interview seule. Ok. Vous êtes prêts ? Ouais. L'endroit où vous aimeriez vous cracher ? Ah bah, aux Bahamas. Hein. Adrien. J'ai une vanne, mais je vais pas la faire. Allez, on la veut. Non, bah non, mais moi, pareil, Bahamas. D'accord. Si vous deviez amener une seule chose sur une île déserte ? La mère d'Adrien. Il y a mon père qui écoute, c'est fatigant. Une seule chose sur une île déserte ? Une serviette. C'est pourri. Une serviette ou une serpillière ? J'ai pas compris. Une serviette. Moi aussi, j'ai entendu serpillière et je croyais que c'était pour la vanne. Serviette. Mais pour nettoyer le sable. Quelle est la personne que vous sauvez pendant le crash ? Ben, on est que deux, je sauve Binge. Ouais, je sauve Adrien. Non, c'était pour savoir si vous y étiez. Écoutez. Mais dans la vie, à mon avis, c'est ça que vous voulez dire. Dans la vraie vie ? Non, dans l'avion. Dans l'avion, dans l'avion. Ah, ok, dans l'avion. C'était pour voir s'il allait lire. Paul Naref. Plutôt. Non, pas son pote. Plutôt le film Seul au monde ou 127 heures ? 127 heures. Seul au monde pour moi. Plutôt la chanson Seul de Garou ou Je marche seul de Goldman ? Je marche seul de Goldman. Alors, je peux balancer un truc là ? Vas-y. Ouais, vas-y. Non, c'est parce qu'il avait une ex qui était fan de Garou. Il a été tellement cool qu'il a accepté de l'accompagner à un spectacle de Garou. Et il est revenu le lendemain, il me fait : c'était pas si mal que ça. Il est tout rouge. Non, parce que j'ai pas envie de parler mal d'un autre artiste. On aime bien Garou, on aime bien. Évidemment, on adore Garou. C'est un peu comme si tu fais un truc, tu vois, c'était bien. Et t'as pas du tout profité de ta soirée en fait. Votre plus grand moment de solitude ? Bah, ça vient de se produire. Non, j'en ai pas. Au concert de Garou, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, il y a pas si longtemps, j'avais plein de bagages, je voulais rentrer dans le métro et il y avait plein de monde et la porte s'est fermée, je me suis trouvé comme un gros con, mais j'étais pas bien parce que j'avais un bras dans le métro, j'avais mes bagages derrière. Ça m'est arrivé. Voilà, c'était chiant, voilà. Dernière question, vous préférez jouer seul sur scène avec 500 payants dans la salle qui tirent la tronche ou jouer votre duo devant une seule personne non payante mais qui rigole à tout ? Ah, moi je préfère jouer avec Adrien, quoi qu'il arrive. Ils sont beaux. Issue de secours, c'est avec Benjamin Hizel et Adrien Berthaud. C'est tous les lundis soirs, 20h30 au Théâtre du Marais.